Chapitre 11. Aux heures décisives de la vie, quand l'avenir tout entier dépend d'une parole ou d'un geste, 20 aspirations contradictoires peuvent traverser l'esprit dans l'espace de temps que brille un éclair. À la brusque apparition du jeune marquis de Sermeuse, la première idée de Maurice d'Escorval fut celle-ci. Depuis combien de temps est-il là? Nous épiait-il? Nous a-t-il écouté? Qu'a-t-il entendu? Son premier mouvement fut de se précipiter sur cet ennemi, de le frapper au visage, de le contraindre à une lutte corps à corps. La pensée de Marianne l'arrêta. Il entrevit les résultats possibles, probables même, d'une querelle née de pareilles circonstances. Une rixe, quelle qu'en fût l'issue, perdait de réputation cette jeune fille si pure. Martial parlerait, et la campagne est impitoyable. Il vit cette femme tant aimée devenant, par son fait, la fable du pays montrée au doigt, et il eut assez de puissance sur soi pour maîtriser sa colère. Tout cela ne dura pas la moitié d'une seconde. Il toucha légèrement le bord de son chapeau et faisant un pas vers Martial. « Vous êtes étranger, monsieur, lui dit-il d'une voix affreusement altérée, et vous cherchez sans doute votre chemin. » L'expression trahissait ses sages intentions. Un « passez votre chemin » bien sec eût été moins blessant. Il oubliait que ce nom d'étranger était la plus sanglante injure qu'on jetait alors à la face des anciens émigrés revenus avec les armées alliées. Cependant, le jeune marquis de Sermeuse ne quitta pas sa pose insolemment nonchalante. Il toucha du bout du doigt la visière de sa casquette de chasse et répondit « C'est vrai, je me suis égaré. » Si troublée, si défaillante que fût Marianne, elle comprenait bien que sa présence seule contenait la haine de ces deux jeunes gens. Leur attitude, la façon dont ils se mesuraient du regard, ne pouvait laisser l'ombre d'un doute. Si l'un restait ramassé sur lui-même, comme pour bondir en avant, l'autre serrait le double canon de son fusil, tout prêt à se défendre. Le silence de près d'une minute qui suivit fut menaçant comme ce calme profond qui précède l'orage. Martial, à la fin, le rompit. « Les indications des paysans ne brillent pas précisément par leur netteté, » reprit-il d'un ton léger. « Voici plus d'une heure que je cherche la maison où s'est retiré Monsieur Lacheneur. »« Ah ! Je lui suis envoyé par Monsieur le duc de Sermeuse, mon père. » D'après ce qu'il savait, Maurice crut deviner qu'il s'agissait de quelques réclamations de ces gens si étrangement rapaces. Je pensais, fit-il, que toute relation entre M. Lacheneur et M. de Sermeuse avait été rompue hier soir chez M. l'abbé Midon. Ceci fut dit du ton le plus provoquant, mais Martial ne sourcilla pas. Il venait de se jurer qu'il resterait calme quand même, et il était de force à se tenir parole. Si ces relations, ce qu'à Dieu ne plaise, prononça-t-il, sont jamais rompues, croyez, M. d'Escorval, qu'il n'y aura pas de notre faute. N'est pas ce qu'on prétend, qui ont tout le pays, et que dit-il? La vérité, il est de ces offenses qu'un homme d'honneur ne saurait oublier ni pardonner. Le jeune marquis de Sermeuse branla la tête d'un air grave. Vous êtes prompt à vous prononcer, monsieur, dit-il froidement. Permettez-moi d'espérer que monsieur Lacheneur sera moins sévère que vous, et que son ressentiment, juste, j'en conviens, tombera devant... Il hésitait. Devant des explications loyales. Une pareille phrase dans la bouche de ce jeune homme si fier, était-ce possible? Martial profita de l'effet produit pour s'avancer vers Marianne et s'adresser uniquement à elle, paraissant désormais compter Maurice pour rien. « Car il y a eu malentendu, mademoiselle, reprit-il, n'en doutez pas. Les Sermeuses ne sont pas ingrats. À qui fera-t-on entendre que nous ayons pu offenser volontairement un ami dévoué de notre famille, et cela au moment même où il nous rendait le plus signalé service? Un gentilhomme tel que mon père et un héros de probité tel que le vôtre sont faits pour s'estimer. J'avoue que, dans la scène d'hier, M. Sermeuse n'a pas eu le beau rôle. Mais ma démarche d'aujourd'hui prouve ses regrets. Certes, ce n'était plus là le ton cavalier qu'avait pris Martial quand, pour la première fois, il avait abordé Marianne sur la place de l'église. Il s'était découvert, il restait à demi incliné, et il s'exprimait d'un ton de respect profond, comme s'il eût eu devant lui une fière duchesse, et non l'humble fille de ce maraud de Lacheneur. Était-ce simplement une manœuvre de roué? Subissait-il, sans trop s'en rendre compte, l'ascendant de cette jeune fille si étrange? C'était l'un et l'autre, mais il eût été difficile de dire où cessait le voulu et où commençait l'involontaire. Cependant, il continuait. Mon père est un vieillard qui a cruellement souffert. L'exil loin de la France est lourd à porter. Mais si les chagrins et les déceptions ont aigri son caractère, ils n'ont pas changé son cœur. Ses dehors impérieux, hautains, souvent âpres, cachent une bonté que j'ai vue souvent dégénérer en faiblesse. Et, pourquoi ne pas l'avouer, le duc de Sermeuse, sous ses cheveux blancs, garde les illusions d'un enfant. Il se refuse à reconnaître que le monde a marché depuis 20 ans. On l'a abusé par des rodomontades ridicules. Enfin, nous étions encore à Montaignac, que déjà les ennemis de M. Lacheneur avaient trouvé le secret d'indisposer mon père contre lui. On eût juré qu'il disait la vérité, tant sa voix était persuasive, tant l'expression de son visage, son regard, son geste, était d'accord avec ses paroles. Et Maurice, qui sentait, qui était sûr qu'il mentait et mentait impudemment, Maurice restait ébahi de cette science de comédien que donna le commerce de la haute société et qu'il ignorait, lui. Mais où Martial voulait-il en venir? Et pourquoi cette comédie? Dois-je vous dire, mademoiselle, tout ce que j'ai souffert hier dans cette petite salle du presbytère? Non, je ne me rappelle pas en ma vie de si cruels moments. Je comprenais, moi, l'héroïsme de M. Lacheneur. Apprenant notre arrivée, il accourait, et sans hésitation, sans faste, il se dépouillait volontairement d'une fortune, et on le rudoyait. Cet excès d'injustice me faisait horreur, et si je n'ai pas protesté hautement, si je ne me suis pas révolté, c'est que la contradiction irrite mon père jusqu'à la folie. Mais à quoi bon protester? Le sublime élan de votre piété filiale devait être plus puissant que mes paroles. Vous n'étiez pas hors du village que déjà M. de Sermeuse, honteux de ses préventions, me disait. J'ai eu tort, mais je suis un vieillard. Je ne saurais me résoudre à faire le premier pas. Allez-vous, marquis, trouver M. Lacheneur, et obtenez qu'il l'oublie. Marianne, plus rouge qu'une pivoine, baissait les yeux, horriblement embarrassée. « Je vous remercie, monsieur, balbutia-t-elle, au nom de mon père. »« Oh, ne me remerciez pas, » interrompit Martial avec feu. « Ce sera à moi, au contraire, de vous rendre grâce, si vous obtenez de monsieur Lacheneur qu'il accepte les justes réparations qui lui sont dues. Et il les acceptera si vous consentez à plaider notre cause. Qui donc résisterait à votre voix si douce, à vos beaux yeux suppliants ?» Si inexpérimenté que fût Maurice, il ne pouvait plus ne pas comprendre les projets de Martial. Cet homme, qu'il haïssait déjà mortellement, osait parler d'amour à Marianne devant lui, Maurice. C'est-à-dire que depuis une heure, il le bafouait et l'outrageait. Il se jouait abominablement de sa simplicité. La certitude de cette affreuse insulte charria tout son sang à son cerveau. Il saisit Martial par le bras, et avec une vigueur irrésistible, le fit pirouetter par 2 fois sur lui-même, et le repoussa, le lança plutôt, à 10 pas, en s'écriant. « Assez trop d'impudence à la fin, marquis de Sermeuse !» L'attitude de Maurice était si formidable que Martial le vit sur lui. La violence du choc l'avait fait tomber un genou en terre. Sans se relever, il arma son fusil, prêt à faire feu. Ce n'était pas lâcheté de la part du marquis de Sermeuse, mais ce colleté lui représentait quelque chose de si ignoble et de si bas qu'il eût tué Maurice comme un chien plutôt que de se laisser toucher du bout du doigt. Cette explosion de la colère si légitime de Maurice, Marianne l'attendait, la souhaitait même depuis un moment. Elle était bien plus inexpérimentée encore que son amie, mais elle était femme et n'avait pu se méprendre sur l'accent du jeune marquis de Sermeuse. Il était évident qu'il lui faisait la cour. Et avec quelles intentions? Il n'était que trop aisé de le deviner. Son trouble, pendant que le marquis parlait d'une voix de plus en plus tendre, venait de la stupeur et de l'indignation qu'elle ressentait d'une si prodigieuse audace. Comment, après cela, n'eût-elle pas béni la violence qui mettait fin à une situation atroce pour elle, ridicule pour Maurice? Une femme vulgaire se fût jetée entre ces deux jeunes gens, prêts à s'entretuer. Marianne ne bougea pas. Le devoir de Maurice n'était-il pas de la défendre quand on l'insultait? Qui donc, sinon lui, la protégerait contre la flétrissante galanterie d'un libertin? Elle eût rougi, elle qui était l'énergie même, d'aimer un être faible et pusillanime. Mais toute intervention était inutile. Si la passion, le plus souvent, aveugle, il arrive aussi parfois qu'elle éclaire. Maurice comprit qu'il est de ces injures qu'on ne doit pas paraître soupçonné, sous peine de donner sur soi un avantage à qui les adresse. Il sentit que Marianne devait être hors de cause. C'était l'affaire à lui d'expliquer les motifs de son agression. Cette intelligence instantanée de la situation opéra en lui une si puissante réaction qu'il recouvra, comme par magie, tout son sang-froid et le libre exercice de ses facultés. « Oui, reprit-il d'un ton de défi, c'est assez d'hypocrisie, monsieur. Oser parler de réparation après le traitement que vous et les vôtres lui avez infligé, c'est ajouter à l'affront d'une humiliation préméditée, et je ne le souffrirai pas. » Martial avait désarmé son fusil, il s'était relevé, et il époussetait le genou de son pantalon, où s'étaient attachés quelques grains de sable, avec un flemme dont il avait surpris le secret en Angleterre. Il était bien trop fin pour ne pas reconnaître que Maurice déguisait la véritable cause de son emportement, mais que lui importait. S'il s'avouait, qu'emporté par l'étrange impression que produisait sur lui Marianne, il était allé trop vite et trop loin. Il n'en était pas absolument mécontent. Cependant, il fallait répondre et garder la supériorité qu'il s'imaginait avoir eue jusqu'à ce moment. « Vous ne saurez jamais, monsieur, dit-il en regardant alternativement son fusil et Marianne, tout ce que vous devez à Mademoiselle Lacheneur. Nous nous rencontrerons encore, je l'espère. » « Vous me l'avez déjà dit, interrompit brutalement Maurice. Rien n'est si facile que de me rencontrer. Le premier paysan venu vous indiquera la maison du baron d'Escorval. » « Eh bien, monsieur, je ne dis pas que je ne vous enverrai pas deux de mes amis. »« Oh, quand il vous plairait. » »« Naturellement. Mais il me plaît de savoir avant en vertu de quel mandat vous vous improvisez juge de l'honneur de monsieur Lacheneur et prétendez le défendre quand on ne l'attaque pas. Quels sont vos droits ?» Au ton goguenard de Martial, Maurice fut certain qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation avec Marianne. « Mes droits, répondit-il, sont ceux de l'amitié. Si je vous dis que vos démarches sont inutiles, c'est que je sais que M. Lacheneur n'acceptera rien de vous. Non, rien, sous quelque forme que vous déguisiez l'aumône, que vous voudriez bien lui jeter, sans doute pour faire taire votre conscience. Il prétend garder son affront qui est son honneur et votre honte. Ah, vous avez cru l'abaisser, messieurs de Sermeuse. Vous l'avez élevé à 1000 pieds de votre fausse grandeur. Sa noble pauvreté écrase votre opulence, comme j'écrase moi du talon cette motte de sable. Lui, recevoir quelque chose de vous, allons donc. Sachez que tous vos millions ne vous donneront jamais un plaisir qui approche de l'ineffable jouissance qu'il ressentira, quand, vous voyant passer dans votre carrosse, il se dira « Ces gens-là me doivent tout. » Sa parole enflammée était d'une telle puissance d'émotion que Marianne ne sut pas résister à l'inspiration qu'elle eut de lui serrer la main. Et ce seul geste les vengea de Martial, qui pâlit. « Mais j'ai d'autres droits encore, poursuivit Maurice. Mon père a eu hier l'honneur de demander pour moi à M. Lacheneur la main de sa fille. » « Et je l'ai refusée !» cria une voix terrible. Marianne et les deux jeunes gens se retournèrent avec un même mouvement de surprise et d'effroi. Monsieur Lacheneur était là, devant eux, et à ses côtés se tenait Chalouineau qui roulait des yeux menaçants. « Oui, je l'ai refusé, » reprit Monsieur Lacheneur, « et je ne prévoyais pas que ma fille irait jamais contre mes volontés. Que m'avez-vous juré ce matin, Marianne? Est-ce bien vous, qui donnez des rendez-vous aux galants dans les bois? rentrez à la maison à l'instant. Mon père, rentrez, insista-t-il en jurant. Rentrez, je l'ordonne. Elle obéit et s'éloigna, non sans avoir adressé à Maurice un regard où se lisait un adieu qu'elle croyait devoir être éternel. Dès qu'elle fut à 20 pas, M. Lacheneur vint se placer devant Maurice, les bras croisés. « Quant à vous, monsieur d'Escorval, dit-il rudement, j'espère ne plus vous reprendre à rôder autour de ma fille. Je vous jure, monsieur, ah, pas de serment. C'est une mauvaise action que de détourner une jeune fille de son devoir, qui est l'obéissance. Vous venez de rompre à tout jamais toute relation entre votre famille et la mienne. » Le pauvre garçon essaya encore de se disculper, mais monsieur Lacheneur l'interrompit. « Assez, croyez-moi, reprenez le chemin de votre logis. » Et Maurice hésitant, il le saisit au collet et le porta presque jusqu'au sentier qui traversait le bois de la Rèche. Ce fut l'affaire de 10 secondes, et cependant il eut le temps de lui dire à l'oreille et de son ton amical d'autrefois. « Mais allez-vous-en donc, petit malheureux ? Voulez-vous rendre toutes mes précautions inutiles ?» Il suivit de l'œil Maurice, qui se retirait, tout étourdi de cette scène, stupéfié de ce qu'il venait d'entendre, et c'est seulement quand il le vit hors de portée de la voix qu'il revint à Martial. « Puisque j'ai l'honneur de vous rencontrer, monsieur le marquis, dit-il, je dois vous avertir que Chupin et un de ses fils vous cherchent partout. C'est de la part de monsieur le duc qui vous attend pour se rendre au château de Courtaumieux. » Il se retourna vers Chanlouineau et ajouta « Et nous, en route. » Mais Martial l'arrêta d'un geste. « Je suis bien surpris qu'on me cherche, dit-il. Mon père sait bien où il m'a envoyé. J'allais chez vous, monsieur, et de sa part. » « Chez moi ? » ?»« Chez vous, oui, monsieur. » Et je m'y rendais pour porter l'expression de nos regrets sincères de la scène qui a eu lieu chez le curé Midon. Et sans attendre une réponse, Martial, avec une extrême habileté et un rare bonheur d'expression, se mit à répéter au père l'histoire qu'il venait de conter à la fille. À l'entendre, son père et lui étaient désespérés. Se pouvait-il que M. Lacheneur eût cru à une ingratitude si noire ? Pourquoi s'était-il retiré si précipitamment ? Le duc de Sermeuse tenait à sa disposition telle somme qu'il lui plairait de fixer, 60, 100 000 francs, davantage même. Cependant, M. Lacheneur ne semblait pas ébloui, et quand Martial eut fini, il répondit respectueusement mais froidement qu'il réfléchirait. Cette froideur devait stupéfier Chanlouineau. Il ne le cacha pas dès que le marquis de Sermeuse se fut retiré après force protestation. Nous avions mal jugé ces gens, déclara-t-il. Mais M. Lacheneur haussa les épaules. Comme cela, fit-il, tu crois que c'est à moi qu'on offre tout cet argent ? Dame, j'ai des oreilles. Eh bien, mon pauvre garçon, il faut se défier de ce qu'elles entendent. La vérité est que ces grosses sommes sont destinées aux beaux yeux de ma fille. Elle a plu à ce freluquet de marquis, et il voudrait en faire sa maîtresse. Chanlouineau s'arrêta court, l'œil flamboyant, les poings crispés. « Saint bon Dieu ! S'écria-t-il. Prouvez-moi cela, et je suis à vous corps et âme, et pour tout ce que vous voudrez. »